aucune discipline. Il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent pas avoir des passes à pas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Radio Cayenne. La radio. Qui préfère foutre le bordel plutôt que de se trouver une place. Je vapote sur Radio Cayenne. Bonsoir, nous sommes toujours le lundi 14 janvier. Et après ce petit compte-rendu sur la manif gilet jaune, acte 9 du 12 janvier, je vais vous lire un bilan publié par Street Medic Nantes. Compte-rendu acte 9, 12 janvier 2019. Compte tenu de la violence de la répression, ce compte-rendu n'est absolument pas exhaustif et fait état seulement des blessures constatées et prises en charge. La manifestation de plusieurs milliers de personnes démarre place à Bretagne pour se rendre place Aristide-Briand. Alors que les manifestants défilaient tranquillement, la place s'est bloquée une première fois, puis une deuxième par la police devant le lycée Jules Verne. Les manifestants qui se sont approchés ont été directement la cible de salves de grenades lacrymogènes et au moins une grenade désencerclante lancée sur les porteurs de la banderole. Des manifestants aveuglés par la densité du gaz tombent, se prennent des obstacles. Une personne est blessée à la tête et une jeune fille fait un malaise, rapidement pris en charge. La manifestation poursuit malgré tout sa route dans une atmosphère encore plus déterminée. C'est ensuite devant la préfecture que le cortège est brutalement séparé par de nombreuses grenades lacrymogènes dont certaines en tirent tendues, ainsi que la lance à eau. Au moins quatre personnes blessées sont aux cuisses. Au moins quatre personnes sont blessées aux cuisses et au ventre, un hématome au coude, un à la main, au niveau du pouce. Des centaines de personnes sont prises dans les gaz. Lors du recul du cortège vers 50 otages, on dénombre encore une personne blessée au niveau du nez qui saignait abondamment, une personne blessée au pied par un tir tendu, une personne blessée par LBD dans la fesse, une au genou, et une personne mineure avec une plaie à l'arrière du crâne qui a été orientée au CHU. L'autre partie du cortège, elle, est poursuivie par la BAC Cours Saint-Pierre, où de nouvelles grenades lacrymogènes sont gratuitement lancées sur les manifestants qui quittent pourtant les lieux. Rendu à Commerce, ce même cortège est à nouveau la cible de lacrymogènes sans raison, ainsi que de menaces directes au LBD à hauteur de tête par la BAC, embusquées dans chaque coin de rue qu'ils trouvent. L'intensité du gaz au carrefour mène à une nouvelle séparation des manifestants, dont certains rejoignent les autres manifestants, rendus cours des 50 otages. Une cinquantaine de personnes pourchassées se retrouvent jusqu'à Médiathèque. Une personne vomissait suite à l'intoxication par les gaz. Pendant ce temps, le gros de la manif s'est reformé cours des 50 otages. Certains passent par la place Royale, d'autres montent la rue du Calvaire. Près de la place Royale, d'énièmes grenades lacrymogènes sont lancées, sans pitié pour la fanfare et ses spectateurs qui se produisaient à cet endroit. On soigne une personne avec une plaie à l'arcade et une détresse respiratoire parmi toutes les personnes massivement gazées. Arrivés à hauteur de la rue Lafayette, les manifestants sont brutalement dispersés par les grenades lacrymogènes et désencerclantes. La BAC, qui a finalement laissé l'autre cortège à Commerce, se lâche à son tour à coups de grenades désencerclantes et de matraques. On compte ainsi de nombreuses personnes blessées. Touchées par des grenades désencerclantes. Deux personnes avec des plaies au niveau de l'oreille, plusieurs dans le dos, les épaules. Certaines personnes ont reçu plusieurs éclats à différentes parties du corps. D'autres ont reçu des tirs tendus de grenades lacrymogènes ainsi... Tandis que nous avons constaté au moins quatre personnes frappées par matraques télescopiques. Deux à la main, dont une avec suspicion de fracture, une à la tête avec hémorragie, interpellée, que nous n'avons pas pu prendre en charge, et une dans le flanc. Les personnes reviennent vers 50 otages et la croisée des trames. Alors que le calme semble revenu et que nous soignons encore des blessés, la police décide à nouveau d'attaquer un cortège d'une centaine de personnes arrivées place du Cirque avec, encore, de nombreuses grenades désencerclantes, manifestement leur arme préférée ce jour-là. Bilan de cette attaque gratuite. Plaie ouverte tibia au gauche, orientée aux urgences pour des points de suture. Plaie au doigt avec saignement important. De nombreux hématomes dans le dos, le ventre, les jambes. Nous soignons également plusieurs personnes en difficulté respiratoire à cause de la saturation en lacrymogène. Plusieurs groupes se forment pendant la fin de la manif, dont une centaine de personnes qui sont repoussées par la police jusqu'au CHU. Une personne y est justement transportée pour un traumatisme de la cheville suite à un projectile de la police. Une autre personne a reçu un palais brûlant de lacrymogène sur le doigt, occasionnant une brûlure. Malgré la présence de personnes calmes et d'enfants parfois très jeunes aux alentours, la police poursuit la charge jusqu'à noyer les abords de la maternité et le pont dans le gaz. Des personnes sont repoussées jusque sur l'île de Nantes. Parallèlement, un autre groupe se trouve vers Bouffay et le château et tente d'éviter les charges policières. En fin de journée, tout le monde tente de revenir à Commerce. La BAC tire plusieurs fois au LBD 40, puis lance une nouvelle fois son stock de désencerclantes dont les détonations retentissent dans tout le centre-ville. Au LBD, on compte des personnes touchées au genou, à la main, 4 personnes à la cuisse dont une deux fois, dans les deux jambes. D'autres ont reçu des coups de matraque au niveau des cuisses et des mains, et au moins 3 personnes sont blessées par les grenades lacrymogènes et désencerclantes à la cheville et aux pieds. Puis la CDI tire des gaz lacrymogènes à plusieurs reprises alors qu'une centaine de personnes restent pacifiquement à la croisée des trams. Ils continueront leur salve de lacrymogènes jusqu'à gazer la moitié des bars de la place Bouffay, par plaisir visiblement. Nous n'avons pas d'autre explication. Enfin, on nous a transmis qu'une personne a été touchée à la tête par un tir. Consciente mais saignante à l'oreille, elle a été transportée au CHU. On a également notion d'une personne qui aurait eu 2 doigts cassés que nous n'avons pas pris en charge. On compte de nombreuses personnes touchées qui ne nous ont pas sollicitées et dont on ne sait pas dans quelles circonstances elles ont été blessées. Au final, on compte au minimum une 60aine de personnes prises en charge. Cela ne compte pas évidemment les personnes blessées qui n'ont pas fait appel ou pas souhaité de soins, dont de nombreuses personnes qui ont pris des coups ou des projectiles de grenades sans en faire part. On remarque que la police a bien testé son nouveau joujou à 6 coups et n'a pas lésiné sur les grenades désencerclantes, et du coup les Glee F4 aussi, qu'elles ont pas mal oublié de mentionner. En fin de journée, des dizaines de munitions de ces armes jonchaient les rues. Message subsidiaire. On remercie les gens qui nous ont filé un brancard, c'est cool. Il y avait beaucoup de nouveaux médics qu'on remercie pour leur présence. On tient toutefois à rappeler que le consentement des blessés est primordial, et qu'il ne suffit pas de se revendiquer médic pour pouvoir tout faire. On veut aussi rappeler que les lancers de projectiles censés viser la police ne devraient pas atteindre les passants ni les camarades. Merci. Voilà, c'était le long compte-rendu très détaillé, qui est plutôt chouette aussi parce que ça permet vraiment de voir le trajet de la manif et les mouvements policiers, et pour ça ils sont vraiment bien, de Street Medic Nantes, publié sur leur page Facebook et sans doute très prochainement relayé sur Indie Media. Est-ce que toi tu pourrais dire si tu sais ce qu'on peut emmener quand on va en manif, genre si moi je voulais me faire une trousse de secours de base là pour samedi prochain, qu'est-ce que je pourrais mettre dans cette trousse de secours? Alors il y a d'une part le contenu de la trousse de secours et d'une part l'équipement qu'on peut avoir sur soi. Donc rapidement pour l'équipement qu'on peut avoir sur soi, vu la densité des gaz lacrymogènes qui en ce moment, les masques de chantier ont des normes en fait de filtrage qui va de FFP1 à FFP3. Donc FFP1, FFP2, ça sert plus à grand chose. FFP3, ça fonctionne assez bien jusqu'à un certain point. Ça permet de traverser le nuage assez tranquille. Ça dure environ 3-4 manifs avant de le remplacer. Sinon, vraiment éviter en fait le vinaigre et le citron pour imbiber les foulards ou tenter de respirer à travers le gaz lacrymogène. Parce que les gaz sont très acides en fait, et rajouter de l'acidité par rapport à ça, bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu une barrière en fait de molécules en fait, parce qu'il y a un autre liquide qui a été aspergé. Mais au final, c'est pas si terrible, et perso, je recommande vraiment le Malox qui a un pH basique, donc qui contre les acides des gaz. Et le Malox, ce qui est super pratique, c'est que ça fonctionne à la fois en préventif et en curatif. Donc évidemment, foulard, masque. Lunettes de protection type snowboard, ski, assez large. Faire attention aux lunettes de piscine en fait, parce que bah, ça fait des bris de plastique qui peuvent vraiment s'enfoncer au niveau du visage et des yeux. Si jamais on se prend un tir, c'est pas terrible. Sinon, porter des vêtements plutôt serrés près du corps pour éviter les prises. Un maximum couvrant pour éviter de se faire brûler par les gaz. De chaussures confortables. Et sinon, niveau trousse de secours, du Malox liquide en dosette. C'est à peu près 3-4 dosettes pour 25 centilitres. On peut s'en faire des bains de bouche, puis en avaler un petit peu pour soulager les bronches et la gorge. On peut s'en asperger sur tout le visage. On peut le mettre aussi en spray, c'est plutôt pas mal. Sinon, comment dire, à l'armurerie, vous avez des décontaminants qui sont en vente pour une dizaine de balles. Et moi, ça m'est déjà arrivé en fait de négocier avec le gars de la mûrie en lui faisant remarquer que ses sprays décontaminants étaient périmés. Du coup, il me les a fait genre à 2€ l'unité. Enfin voilà, bien regarder les dates. Voilà, donc à part le Malox qui est vraiment le truc indispensable à mon sens, le sérum psy aussi, s'il y a juste les yeux de toucher, mais en fait, mettre du Malox autour des yeux, ça fonctionne aussi plutôt bien. Pas hésiter à cracher quand on se retrouve pris dans les gaz. Contre-indication, absolument jamais prendre de Ventoline quand on est dans les gaz, que l'on soit asthmatique ou pas. Parce que la Ventoline, en fait, va faciliter la respiration en dilatant les bronches et en les ouvrant plus, ce qui fait qu'on va tout simplement respirer plus de gaz et se sentir encore plus mal, quoi. Du coup, c'est plutôt un truc qu'on peut prendre un petit moment après s'être fait gazer si on se sent en difficulté et ouais. De pas retourner dans les gaz tout de suite après avoir pris de la Ventoline. Et surtout si la Ventoline vous a été prescrite, en fait, si il n'y a pas d'avis médical pour vous enfiler, il n'y a pas de raison pour vous en preniez. Et si vous éprouvez des difficultés respiratoires après une exposition au gaz, allez autant que possible voir un médecin. Et il y a aussi des conseils, éviter tout ce qui est maquillage et tout ce qui est corps gras sur la peau. Oui, complètement. Ça dissout, ça accroche grave le gaz. Ouais. Et pour ce qui est des yeux, alors pour les gens qui ont des lunettes, ce qui peut quand même assez problématique pour se protéger les yeux, c'est pas absolument efficace, mais j'y ai déjà testé, ça fonctionne. Il y a les lunettes pour disqueuses, qui donc laisse passer un tout petit peu d'air par l'arrière, par les branches et qui ont des petits trous, mais ça permet de rester dans les gaz à pas mal d'endroits, quoi. Et pour ceux qui ont la motive, il y a moyen de se faire faire des lunettes de plongée à votre vue. Après, se les faire piquer par les flics, là, ça craint, faut vraiment être sûr de son coup, quoi. Ouais, puis en plus, ça sera pas leur vue à eux, donc c'est un peu stupide. La vue des gens qui veulent se protéger des gaz, quoi, qu'on en a besoin. C'est ça. Et du coup, ouais, à part Maalox, sérum fille, équipement perso... Pour les personnes qui ont des pénis et des testicules, le port d'une coque, ça peut être pas mal aussi. Parce qu'on a déjà vu, des personnes perdre un testicule suite à un tir de LBD ou avoir des blessures assez proches. C'est quand même pas chouette. Ou même si on se fait tabasser, ça peut éviter au moins ça, puis permettre d'être tranquille. Sinon, en termes trousse de secours, ça va être compresse de toute taille, du sparadrap, des petits pansements de toute taille, du désinfectant sans alcool, éviter la bétadine, parce que beaucoup de gens font des réactions allergiques. Pour tout ce qui est brûlure, à ne pas mettre dès que la peau est écorchée, dès que c'est à vif, vous allez avoir la pommade Osmosoft, qui est chouette parce que s'étale super bien et qu'elle est assez peu allergisante, alors que la biafine, c'est un terrain assez allergisant et c'est très très gras et pas super, super pratique. Des tulles gras aussi pour mettre sous la compresse. Éviter qu'il y ait des fils de compresse qui se collent dans la plaie, ça fait pas terrible. Également, une petite paire de ciseaux préférée à bourron. Parce que sinon, on peut vous dire que c'est une arme lors des contrôles, tatatitatata. Sinon, il y a des gens qui aiment bien avoir des masques sur eux à distribuer, si jamais ils en chopent à droite à gauche. Je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir plusieurs paires de bouchons d'oreilles en mousse, à proposer aux gens en fait qui sont soit en état de panique, soit qu'on les hyper incommodés, ou même pour soi en fait, ça peut vraiment être chouette. Sinon, en termes trousse de secours, pommade à l'arnica aussi, pour tout ce qui est hématome, contusion bleue, granulat à l'arnica aussi, pourquoi pas, l'effet placebo peut fonctionner, ça sert pas mal par exemple quand on se retrouve pas en position de pouvoir quitter la manif, ou alors qu'on souhaite continuer, qu'on a un peu mal. Hop, on prend ça et ça permet au moins de soulager la douleur jusqu'à ce qu'on puisse se poser. Les sprays bombes de froid aussi, c'est pas mal pour soulager la douleur quand il n'y a pas de plaie ouverte. Voilà, c'est quand même assez complet. Donc peut-être de rappeler aux gens que quand on compte soigner d'autres gens, le consentement aux soins, c'est un truc important. Ouais, c'est le premier truc. On ne soigne pas des gens de force, en fait. Complètement, et qu'il y a aussi des gens qui peuvent refuser pour un tas de raisons légitimes d'aller à l'hôpital. Faut pas oublier qu'il y a des keufs qui se rendent au CHU, qui, à la BAC, a déjà matraqué et molesté des gens à l'intérieur de l'hôpital, sous les yeux des soignants qui n'ont rien dit, que des fois ils les attendent à la sortie pour pouvoir les interpeller. Il y a des gens aussi qui n'ont pas de sécu, rien, qui souhaitent garder l'anonymat, et... La seule chose qu'on peut faire, en fait, le seul moment où on peut outrepasser un consentement, c'est quand la personne n'est pas en état de le donner et qu'il y a une urgence vitale, en fait. Ou c'est quand même plutôt mieux de sauver la vie de quelqu'un, quoi, ou lui éviter des graves séquelles, ça, évidemment. Vous pouvez aussi fortement conseiller à une personne d'aller voir un médecin généraliste plutôt qu'aller au CHU. il y a des choses, même si elles sont douloureuses, qui peuvent attendre un petit peu. Et en tout cas, pour vous-même, en cas le moindre doute, n'hésitez pas à aller voir le médecin et aussi à lui dire, en fait, qu'est-ce qui vous a causé ces blessures. C'est aussi informer les médecins et leur dire les blessures que peuvent occasionner les armes de la police. Oui. Des fois, plutôt que d'avoir un rapport moraliste à aller voir le médecin ou à aller aux urgences, c'est aussi d'expliquer aux gens quels sont les signes qui vont faire que, ouais, complètement. Que tu vas commencer à t'inquiéter. Et du coup, quand tu as pris quelque chose dans la tête, par exemple, des vertiges, des vomissements, des trucs de te sentir fatigué alors que tu n'aurais pas à te sentir fatigué, tout ça, ça vaut le coup d'aller voir le médecin. Des gènes respiratoires importantes, ça vaut le coup d'aller voir le médecin. Et du coup, plutôt que d'envoyer, de moraliser les gens et de leur dire qu'elles devraient aller voir le médecin alors qu'on ne sait jamais c'est quoi le rapport des gens avec les toubibs, préférer en fait donner aux gens des signes indicatifs de à quel moment ça peut être important d'aller voir le médecin et pourquoi. Et plutôt que de leur dire faut aller voir le médecin, complètement. Puis à la fin de la prise en charge médicale, en fait, de pas hésiter à filer son contact à la personne que vous avez soignée pour qu'elle puisse vous rappeler, que ce soit pour en parler, débriefer un petit peu, vous dire si elle a des suites au niveau de ses blessures, des choses qui évoluent, et que là vous pourrez donner un avis dans la limite de vos capacités et renvoyer vers un spécialiste, en fait, si vous estimez qu'il y a besoin en cas d'infection ou de choses comme ça. Voilà. Ouais. Bon, après, sur les conseils en manif, il y a des trucs un peu de base à rappeler aussi, genre éviter de venir seul, éviter de rester seul pendant la manif. Enfin, former des binômes ou des trinômes, c'est quand même extrêmement utile, voire même capital. Et avoir des chaussures qui permettent de courir quand on peut courir, pas avoir des vêtements trop amples pour pas se faire choper par les flics, etc. Voilà. Du coup, ouais. Sur ça, on vous passe un petit peu de musique. Peut-être deux, trois trucs à rajouter sur... Ouais. Si vous avez pas envie que la police connaisse votre identité... De pas avoir sur vous des choses où il peut y avoir votre nom, genre évidemment papier d'identité, mais aussi carte bleue, carte de bus, voilà. Ticket resto, et des trucs comme ça. Aussi, bon, malheureusement, ça compromet votre identité, mais si vous en avez vraiment besoin, emportez avec vous les médicaments importants, les traitements que vous devez prendre tous les jours, ainsi que les ordonnances qui vont avec. Si jamais vous allez en garde à vue, ça vous permet de légitimement prendre vos médicaments. Ça peut servir pour des gens qu'ont des maladies avec des traitements à suivre au quotidien, ou pour des personnes qui ont besoin soit d'anxiolytiques, soit d'antidépresseurs, où ça peut vraiment être compliqué de se retrouver en gave sans les avoir. Dernier petit conseil pour la garde à vue, peut-être on en aura d'autres après, parce qu'on va passer après au point en tiret. La couverture de quel côté? De dire que... avant de partir en manif, même si on pense pas que la police peut avoir quelque chose contre nous, ça arrive quand même de se faire arrêter. Avant de partir en manif, si on le peut, c'est pas mal d'avoir préparé des garanties de représentation. D'ailleurs, si on le peut, parce qu'on a des garanties de représentation, mais des fois on n'en a pas. Des garanties de représentation, ça veut dire des garanties qui vont pour le tribunal servir à savoir si vous allez vous présenter ou pas. Ça veut dire un boulot à peu près stable, un endroit où on habite, par exemple, des liens avec de la famille, et du coup d'essayer de mettre de côté des papiers qui pourraient prouver ça, ou des attestations de proches de vous. Pour dire que vous habitez chez eux, par exemple, si vous n'avez pas de logement, ou des promesses d'embauche, des trucs comme ça. Et ça peut servir à la fois pendant la garde à vue, au moment où vous êtes déféré, si jamais vous êtes déféré, ça n'arrive pas à tout le monde, si jamais vous êtes déféré devant un procureur, et aussi si jamais vous vous retrouvez en comparution immédiate pour éviter une éventuelle détention provisoire. Voilà. Ouais, on passe à la musique ou... Ouais. Bon, après sur le chat, ça interagit beaucoup ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Et là, ça parlait de crème solaire, d'homéopathie, est-ce que la fumée bouche les bronches et que ça aide pour résister aux lacrymos? Enfin, la crème bref, solaire étant souvent un corps gras, oui. On ne met pas de crème solaire avant de partir en manif, puisqu'on le rappelle, la lacrymo se dissout dans les corps gras et du coup pénètre beaucoup plus facilement la peau si vous avez mis du gras avant sur votre peau, et du coup il y a des risques de brûlure. Donc voilà, donc plutôt, comment on appelle ça, les trucs contre les parapluies contre le soleil, là. merde. Plutôt que de la crème. Et comme on l'a dit tout à l'heure, enfin comme tu le disais Nin tout à l'heure, en fait le Malox ça marche aussi en préventif. Bon, ça laisse des traces blanches, du coup ça se voit qu'on a mis du Malox, mais au moins ça fait une barrière efficace que ne font pas du tout tous les corps gras. Aïe, aïe, aïe, est-ce que ça marche? Oui, ça fonctionne. Désolé, j'étais en train de finir ma tartine au boursin et il y a une copine dans le studio qui m'ouvre ma bière, c'est trop gentil, merci. Et j'avais envie de vous parler d'un truc, merci, on a pu voir sur les réseaux sociaux un communiqué vraiment chelou émanant de certains street medics de Nantes qui m'a fait pas mal réagir. Du coup, je vais vous le lire succinctement en diagonale. Tout en vous le commentant parce qu'il me paraissait vraiment problématique. Alors, communiqué des street medics. Alors déjà, d'où vous êtes les street medics de Nantes attitrés, je trouve ça hyper bizarre. Entre flashball et pavé, nous refusons de choisir. Bah, moi j'ai fait mon choix perso. Alors, c'est parce qu'on n'a pas de flashball, c'est tout. Alors, elles disent nous sommes sur le terrain afin de venir en aide aux personnes blessées, tant du côté des gilets jaunes que des forces de l'ordre, or déjà Burke ou des collatéraux. Nous aidons les citoyens, or déjà ça pue. Lors de chaque manifestation, nous acceptons que les forces de l'ordre nous fouillent. Nous regrettons simplement que certains de nos street medics se retrouvent en garde à vue préventive pour le simple port d'un ciseau à bourron qui nous sont nécessaires pour effectuer certains soins. Alors déjà, je trouve ça complètement mais aberrant en fait de dire bah non, on accepte d'être fouillé en fait, on se soumet à l'autorité publique alors que bah hey, les gars, les filles, vous êtes légitimes en fait à venir soigner, d'où vous soumettez à des fouilles en fait, je trouve ça dingue. Alors, nous sommes au cœur des échanges. De ce fait, pourrions-nous vous demander d'accepter que nous avons besoin de nos équipements de protection ? Oh, s'il vous plaît. Comprenez que, comme un journaliste qui est là pour transmettre l'information, nous souhaitons juste préserver des vies. Nous aimerions, tout comme ce journaliste, avoir une tolérance accordée, notamment lors de gazages répétitifs. J'ai rien compris. Des masques à gaz dignes de ce nom nous permettraient également de préserver notre propre santé en qualité de secouriste. Je sais pas, tout le monde devrait pouvoir préserver sa santé. Accepteriez-vous que nous gardions nos fournitures de secouristes afin de porter simplement les premiers soins aux blessés ? Mais je comprends pas, c'est quoi ce SVP Bah au KEF en fait, il s'adresse au KEF. SVP, laissez-nous garder notre matériel. Alors, afin d'éviter de nombreuses blessures, nous vous déconseillons de ramasser les projectiles. Oui, ça c'est plutôt sensé. Mais aussi de participer aux manifestations accompagnées de vos enfants. Alors en fait là-dessus, je vous emmerde en fait les gars. Oui, parce que je suis sûre que c'est des gars qui ont écrit ça. Enfin, il y a des personnes, en fait, qui peuvent pas faire garder leurs gamins. La place des enfants, c'est d'être où ils ont envie d'être. S'ils ont envie d'accompagner leurs parents, ben, ils le font. Oui, ok, une manif, c'est dangereux, en fait, mais d'avoir ce genre de conseil paternaliste, je trouve ça vraiment à chier, en fait. Et ouais, tu voulais réagir, Ghost, du coup ? Moi, j'aurais plutôt envie de dire, afin que tout le monde soit en sécurité, je déconseillerais aux flics de tirer sur les gens dans les manifs, parce qu'il y a des gosses, en fait, entre autres, mais aussi parce que c'est pas normal de tirer aussi sur les autres gens, mais que de dire aux gens de pas ramener leurs gosses, enfin, ouais, c'est ce que tu dis, quoi. C'est paternaliste comme conseil, et c'est très moralisateur. Ouais, c'est en gros, si t'amènes tes gosses en manif, t'es quelqu'un d'irresponsable. Et puis, faut pas se plaindre après, blablabla. Ouais, complètement. Ensuite, il y a des trucs hyper chelous. En vertu des articles 223.5, 223.6, 223.7 du Code pénal, ok, hyper bien renseigné, nous, street medic, voilà là, nous nous sentons dans l'obligation morale de respecter ce qui nous semble être le droit à la vie. Oh. C'est hyper chelou. Du coup, moi, j'avais juste envie de dire, toujours sur ce de, afin de rester en sécurité, tout ça. On pourrait très bien aussi dire aux flics de pas ramener leur arme et puis voilà quoi. Ouais, de pas venir tout court en fait, on veut pas voir leur gueule. Aussi. Et recherche street medic, l'équipe street medic, vous voyez régulièrement avec leur chasuble ou t-shirt blanc lors des manifestations, a besoin de vous. Alors, je sais pas, déjà l'équipe street medic, je trouve ça hyper autocentré, hyper égocentrique en fait de penser que c'est l'équipe street medic. Alors nous recherchons des personnes ayant des bases solides de premier secours ou une grosse expérience de manif afin de nous prêter main forte lors des événements à venir, blablabla, blablabla, ou de protéger les secouristes. Alors déjà, je trouve ça hyper chaud, en fait, de partir dans un truc... il faut que vous ayez déjà des bases prérequises, en fait, pour faire du secourisme. N'importe qui fait une petite formation bien horizontale comme il faut à base de transmission des savoirs est capable d'effectuer tout un tas de gestes de premier secours. En soi, distribuer du malox, c'est déjà faire de la médic, en fait. Et je tenais à rappeler aussi que médic, c'est pas un statut. On dit pas être médic, on fait de la médic. C'est une pratique. Et j'en profite aussi pour pousser un coup de gueule par rapport à ce qui me semble être pas mal en recrudescence dernièrement. C'est cette espèce, en fait, d'héroïsation des personnes médiques par rapport aux autres manifestants, manifestantes, comme si les médics, c'était les vrais gentils, c'est des gens qui soignent tout le monde, oh là là, moi j'ai déjà entendu, ah, les médics, c'est les anges de la manifestation, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les médics, à la base, c'est des militants, c'est des gens qui s'engagent, en fait, c'est des gens qui décident d'aller en manif, c'est des gens qui décident de manifester avant de soigner, et que soigner, dans ce cadre-là, est un acte politique, en fait, que c'est pas une espèce de truc de bon samaritain de se dire « Oh, je vais soigner les gens parce que je vais être gentil. » Non, il y a constat qu'il y a besoin de soins parce qu'il y a blessure par arme de la police. Et c'est ça, et rien d'autre. Et il n'y a pas à dire oui, merci aux street medics qui mettent leur vie en jeu. Bah, en fait, toute personne qui se rend à une manifestation met son intégrité physique et psychique en jeu. Et je ne vois pas pourquoi les medics seraient remerciés plus que les autres. On pourrait également remercier, je sais pas moi, les porteurs de banderoles, ceux qui plongent dans les gaz pour aller ramasser les gens qui sont par terre. Ceux qui disent aux gens de faire attention parce que la police a chargé. Celles et ceux qui disent attention, il y a la bague dans telle rue. Celles et ceux qui ouvrent leurs portes en fait pour se réfugier. Bah, tous ces gens-là, en fait, on devrait les remercier. Celles et ceux qui rapportent les interpellations complètement légales. Celles et ceux qui bossent, sont là, quoi. Tout simplement, en fait, aussi en manif. Celles et ceux qui crient sur les flics quand il y a des interpellations. Celles et ceux qui attendent devant Valdec. Ouais. Enfin, il y a tout un tas de gens à remercier, en fait, avec... Ceux qui vont au tribunal. Complètement. Avec des activités, en fait, qui prennent énormément de temps, qui fatiguent énormément, qui sont pas plus, pas moins fatigantes que faire de la médic. Et juste, voilà, héroïser les médics, stop, en fait. Si elles sont là, elles savent très bien pourquoi elles sont là et pourquoi elles font ça. Et il n'y a pas besoin d'une espèce de validation de... voilà, il n'y a pas besoin d'angéliser, la pratique de la médic. Je trouve ça vraiment ridicule. Autant remercier celles et ceux qui tirent des feux d'artifice et qui balancent des trucs sur les keufs pour empêcher qu'ils avancent sur le reste des manifestants et manifestantes. Donc voilà, dire merci au street medic, ok, mais pas au détriment de toutes les autres personnes qui se bougent le fion. Voilà. Alors, est-ce qu'on a envie de mettre de la musique ou est-ce qu'on a envie de faire autre chose? Est-ce qu'on fait un petit tour de table, des envies? Oh, il y a une petite musique de derrière les fagots. Encore une Java des bons enfants. Je reprends juste la parole pour dire, quand j'ai dit autant remercier celles et ceux qui jettent des trucs sur les flics, et notamment des feux d'artifice et des trucs comme ça, c'était pour remercier bien sûr, au même titre que les médics et tous les autres gens qui font plein de trucs pendant les manifs, c'était pour remercier les gens qui passent du temps et qui prennent des risques pour jeter des trucs sur les flics, et que bah, ça protège, c'est un des trucs qui nous protège pendant les manifs. sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.